Nous sommes l'humanité. Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Bonsoir, audionautes. Vagabonde des fréquences modulées, arpenteureuse des émotions sonores. Bienvenue dans cette nouvelle session. Vous nous écoutez sur les 95.9 des plages hertziennes de Radio Pulsar à Poitiers et ses alentours. Et pour le reste du monde à la vitesse des électrons sur radio-pulsar.org. Je suis Julie Mouet, la voix de l'émission. Nous sommes les voyageuses synaptiques. Nous sommes assises à des tables de salon de thé couvertes de nappes en dentelle d'imaginaire tissé. Nous buvons des boissons voies lactées. Préparés par des baristas alchimistes qui prennent dans l'air les molécules nécessaires à la concrétion de l'objet désiré. Nous sommes des Alice, des terres, ni féminin, ni masculine. Nous sommes des chimères issues des laboratoires de maîtresse des murs, des restes d'anges déplumés, coincés entre l'en haut et l'en bas. Nous sommes le collectif, nous sommes la rêve, nous sommes l'humanité. Hypermix. Glitchcore. Un mercredi sur deux. Les semaines paires. 20h, 21h. Danger and cut. It's the most beautiful, ugly sound in the world. You know, Bill, there's one thing I've learned in all my years. Sometimes you gotta say, what the fuck? Make your move. Danger and the... What the fuck? Cuts. The most beautiful, ugly sound in the world.

I'll kill you. Really? Rhythm. Okay.

Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. C'était rigolo. On se retrouve dans 15 jours pour rigoler encore avec Nitrom the Metronome. Oh, machine. Oh, je parle comme la dame dans les gares. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Lol. Pour avoir la réponse, il faudra écouter la prochaine émission. Danger and Cuts. Out.